Merci de choisir la radio Isanganiro pour vous informer. Bienvenue à l'écoute de ce journal dont voici tout de suite les titres. Un délai de grâce de 3 jours a été accordé par la CENI pour le réaménagement des listes des candidats des conseils communaux. Vers le début de ce mois, cette commission avait annoncé que certaines listes ne remplissaient pas les conditions exigées. Le manque de devises de carburant n'a pas épargné le domaine de télécommunications. Les compagnies des téléphonies mobiles affirment qu'ils ont été affectés par ces problèmes dans leur travail de rendre service aux abonnés. En éducation, la coalition pour l'éducation pour tous, Wafashebige, souhaite la réintroduction de la 10e année et les tests qui étaient jadis faits. À la présentation, vous êtes avec Doré Bingabide. Alphonse Koukimana assure la mise en onde. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bienvenue. La Commission électorale nationale indépendante CENI accorde un délai de grâce de 3 jours à partir du 13 janvier pour le réaménagement des listes des candidats des conseils communaux pour les élections en vue. Dans un communiqué signé sous président Prosper Nahogwamiye ce jeudi, il est signalé qu'aucun recours ne sera possible après l'expiration de ce délai. L'affichage des listes définitives retenues pour les élections communales de 2025 auprès des commissions électorales provinciales indépendantes CEPI est fixé au 17 janvier 2025, comme le précise au communiqué. La Commission électorale nationale indépendante avait annoncé dans une conférence de presse tenue mercredi 3 janvier que certaines listes qui ne remplissaient pas les conditions exigées avaient été rejetées. Et la coalition des partis politiques Burundi Bwabose et le parti Congrès national pour la liberté ont été autorisés à réaménager leur liste de candidats députés dans un délai ne dépassant pas 3 jours. C'est l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle ce mardi 7 janvier au sujet des recours introduits par ces formations politiques suite au rejet de leur candidature pour la commission électorale nationale indépendante CENI pour les législatives en vue. Les motifs qui avaient été avancés par la CENI était notamment la violation des dispositions du code électoral en ce qui est des candidats députés inscrits sur les listes, notamment les déséquilibres ethniques et genre pour le parti CNL. Et bien, ce parti salue l'arrêt de cet arrêt de la Cour constitutionnelle, leur demandant de réaménager ces listes de manière qu'elles répondent aux critères genre et ethnie. Nestor Kidukwishaka, président et représentant légal de ce parti, explique que cette lacune avait été due au peu de temps dont il disposait pour déposer les dossiers. Il tranquillise la population en général et ses membres en particulier que les listes sont bien organisées et sont déjà parvenues à la CENI. On l'écoute. Au sein du parti CNL, nous avons très bien accueilli cette décision, l'arrêté de la Cour constitutionnelle. Parce que cet arrêté est venu répondre à l'une de nos préoccupations qui était de réaménager les listes de manière qu'elles répondent aux critères genre et ethnie, comme c'était recommandé par la CENI. Ce que nous avions, nous, avec la bousculade qui était au moment du dépôt des dossiers, ces listes de candidature pour les législatives, on n'avait pas eu suffisamment de temps pour revérifier nos listes, pour nous assurer que tout est bien aligné en fonction du genre et de l'ethnie. Alors, cette décision de la Cour, pour nous, elle est sanitaire parce qu'elle nous a permis de revoir nos listes, de les réaménager et de nous rassurer que les critères genre et ethnie sont bien alignés, sont conformes avec la loi. Nous disons que c'est une très bonne mesure parce que c'est une mesure qui permet l'inclusion de tous les partis politiques. Tous les partis politiques, disons les coalitions des partis politiques ou même les indépendants, et ils ont droit de participer à ce processus électoral. Au sein de votre parti, vous voyez que ça va vous être facile à donner à temps les dossiers. Je pense que je risque de vous surprendre. Ils nous ont donné 3 jours pour réaménager ou réarranger ces listes-là. Je vous ai dit que les listes étaient presque complètes. Le problème, c'était de voir si l'équilibre ethnique et genre était respecté. Ce que nous avons fait dès que cette mesure a été annoncée a été de revoir nos listes, réarranger, disons, l'ordre des différents candidats de manière que cet ordre respecte les critères genre et ethnique tels que recommandés par la loi électorale. Nous l'avons vite fait. Et je vous parlais d'une surprise. Hier, nous avons déposé ces dossiers en bonne et due forme et bien ordonné, l'équilibre genre et ethnie bien organisé. Nestor Gilukwishaka était au micro de Jean-Claude Niyomukiza. Je vous l'avais dit dans les titres, le manque de devises, de carburant et d'électricité sont des défis qu'ont enregistré les compagnies de téléphonie mobile opérant au Burundi. Explication ce vendredi au cours d'une réunion organisée par le ministère des Télécommunications avec les responsables de ces compagnies, à savoir Lumitel, Econet Leo et Onamob, pour échanger sur leur situation de travail en vue d'aider leurs abonnés. Kadinda Chaïsaba, ministre des Télécommunications, a recommandé aux responsables de ces compagnies de respecter les conventions signées et essayer de faciliter les citoyens dans leur communication via Internet et téléphone. Jean-Marie Mayong. Dans cette réunion d'échange avec les opérateurs de télécommunications et fournisseurs d'Internet, les représentants des sociétés de télécommunications, à savoir Lumitel, Econet Leo et autres, ont montré qu'ils ont des difficultés dans leurs activités et ont demandé au gouvernement d'intervenir. Pour votre information, dans la compagnie de téléphonie mobile Lumitel, nous n'emménageons aucun effort pour mettre à notre disposition des carburants, bien que avoir des devises soit devenu casse-tête. Via ce PEBU, nous recevons moins de 20%, mais nous nous battons pour que nous puissions importer des carburants que nous utilisons, bien que ça nous consomme beaucoup d'argent. Samuel Muhizi, directeur général de la ARCT, a expliqué que du matériel pour bien suivre si ces compagnies de télécommunications exercent bien leurs activités seront installées. Cela aidera à chaque abonné de savoir si le réseau est disponible dans sa zone et de bien suivre comment se déroulent les activités de ces compagnies de télécommunications. Avant que l'abonné achète un service Lumitel et connaît ou Onatel, il doit savoir que ce service existe réellement là où cet abonné se trouve ou habite. La question fréquemment posée par les abonnés est de savoir comment sort-il si ce service existe ou pas. Ce service sera prêt au cours de ce mois de janvier. Il sera exposé. Il y a également d'autres équipements que nous avions demandé pour que nous puissions suivre clairement nos abonnés. À toutes ces demandes, Leocadinda Chaïsaba, ministre des Télécommunications, a annoncé que la situation va être analysée. Elle a invité les responsables de ces compagnies de télécommunications de doubler d'efforts pour bien continuer leurs activités. Ce qui doit être fait, c'est la discussion en fait que le prix fixé pour le transport d'Internet soit connu et soit réduit dans un peu de jours. Autre demande est de devises qui est un problème général pour tous les opérateurs parce que vous travaillez, vous êtes régi par les mêmes lois dans le pays. Vous connaissez la situation du pays, mais vous pouvez chercher dans notre moyen pour avoir ces devises en fait de ne pas arrêter les travaux. Après les échanges, ils se sont convenus qu'après 3 mois, ces compagnies présenteront des rapports sur le déroulement des activités. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Vous êtes bien à l'écoute de la radio Isanganiro. En ligne, c'est sur www.isanganiro.org. Vous pouvez également aller jeter un coup d'œil sur nos plateformes sociales. Sur Facebook, c'est Radio Télévision Isanganiro RTI et sur X, c'est RTI Isanganiro. Dans la suite de cette édition, la réforme de l'éducation fondamentale de la première année à la 9e se réfère au contexte du moment. Précision du directeur général des curricula et des innovations pédagogiques dans une interview accordée à la radio Isanganiro. André Douimana ajoute notamment que cette réforme est conçue de manière à permettre aux enfants d'acquérir des compétences voulues par le pays, notamment en matière des téléphones, des technologies, pardon, de l'information et de la communication. Et la coalition pour l'éducation pour tous s'indigne du fait que l'État ait supprimé la 10e année. Kassian Gachirhamri, le vice-président de Bafashebigé, de cette coalition Bafashebigé, souhaite la réintroduction de cette année ainsi que les tests qui étaient jadis faits, ce qui faciliterait les élèves à se préparer et à améliorer leurs compétences. On l'écoute. La réforme commence en première année et c'est un processus. Au fil et à mesure qu'on avance de niveau, en fait, on réforme les programmes, on réforme les curricula jusqu'en fait à la fin du cycle. Les autres pour lesquels, comme la réforme a commencé en septième, ça impacter sur la qualité de l'éducation, d'autant plus que les effectifs ont beaucoup augmenté en septième année, et pas en septième année seulement, même en huitième, au fil et à mesure qu'on avance avec les années, avec la réforme. En fait, ce qui a fait que le gouvernement a vraiment dépensé beaucoup d'efforts pour satisfaire en fait, cette offre. Ce que nous demandons, c'est que vraiment de réintroduire la dixième année, en fait, pour que les élèves puissent terminer les programmes. Mais aussi, nous souhaitons que le concours de fait de la sixième année soit réintroduit, parce qu'en fait, il aide aux enfants de bien se préparer, et en préparant le concours, en fait, ils amélioraient en fait les compétences. Et eux aussi, que le concours à la fin de la dixième année aussi soit réintroduit, et à côté des tests à la fin du cycle post-fondamental. Radio Isanganiro, chronique environnement. Le mercure est un métal qui se trouve à l'état liquide, ce qui lui donne une caractéristique particulière, contrairement aux autres métaux qui sont généralement solides. Explication de Dr Rémi-Marie Nkurunziza, chercheur et enseignant à l'Université du Burundi dans le département biologie-chimie. Il précise que le mercure est utilisé dans les activités industrielles, l'extraction de l'or et bien d'autres domaines. Cependant, il souligne que le mercure a des effets néfastes sur l'environnement et la santé humaine. C'est trop environnemental et signé Lydie Gahimbari. Le mercure est un métal qui a un état liquide, ce qui lui donne sa particularité par rapport aux autres métaux, comme expliqué Dr Rémi-Marie Nkurunziza, enseignant-chercheur à l'Université du Burundi dans la faculté biologie et chimie. C'est un métal qui a l'état liquide, à l'état ambiant, est un métal liquide, ce qui lui donne d'ailleurs une particularité par rapport aux autres métaux, puisqu'il est liquide, maniable, facilement maniable à l'air ambiant. Rémi Nkurunziza explique également que le mercure se trouve dans le sous-sol, comme le pétrole ou dans le charbon. Le mercure se trouve surtout dans les combustibles fossiles. Là, je parle du pétrole, je parle aussi du charbon. Ah, le charbon que nous utilisons comme ça, non, le charbon sous forme de minceur, concrète, donc connexé dans le sous-sol. Le mercure est utilisé dans l'extraction des minéraux. Il se trouve également dans les produits cosmétiques. On peut le retrouver dans les produits cosmétiques, tout comme on peut aussi le trouver dans ce qu'on appelle l'amalgame dentaire. On peut aussi le trouver dans les pesticides. On peut aussi le trouver dans les lampes fluorescentes. Mais aussi, on peut les retrouver dans les thermomètres qu'on utilise. Mais je ne pense pas que maintenant, on utilise beaucoup les thermomètres à mercure. Mais ça existe et ça a existé. Et je pense que dans certains endroits, comme dans les hôpitaux, on peut retrouver les thermomètres à mercure. Pour l'extraction des minéraux, surtout les roches aurifères, c'est là où on utilise le mercure pour former ce qu'on appelle l'amalgame. Alors, on utilise le mercure pour une simple raison que le mercure a la capacité de se lier facilement à l'or. Et son complexe là, qui va se former avec le mercure, qu'on appelle l'amalgame, c'est ça qu'on va récupérer pour maximiser le rendement en or. On va faire ce qu'on appelle la liquéfaction, le mercure qui va s'évaporer, puis on va garder une certaine quantité d'or qu'on peut alors utilisé pour d'autres fins. Mais le mercure est déjà évaporé dans la nature. Alors, on se retrouve au niveau de notre environnement, dans le corps humain, dans le sol et dans l'eau, et même dans l'air. Selon Rémi Nkurunziza, le mercure pollue l'environnement et aussi il est nuisible à la santé de l'homme. Le mercure, ça pollue l'environnement parce qu'une fois dans la nature, sera consommé, donc ça va se retrouver dans le sol et dans l'eau. Et l'eau, le plus souvent, on se focalise sur la chaîne alimentaire. De la base au sommet, c'est que les petits poissons vont consommer l'eau contenant du mercure. Alors, il va se passer ce que nous appelons une bioamplification. Ça veut dire que les gros poissons, ce sont eux qui vont alors manger ces petits poissons. Alors, les gros poissons vont faire ce qu'on appelle la bioamplification. Ça veut dire, c'est comme si vous concentrez ces petites quantités qui se retrouvent en tout, ici et là, donc dans les petits poissons. Alors, vous se retrouvez dans les gros poissons. Et nous, être humains en consommant ces poissons, nous allons alors être en contact avec le mercure qui a été concentré au niveau des poissons. Dans la prochaine chronique, Krémy Marie-Claudiza, enseignant-chercheur à l'Université de Burundi, nous expliquera les conséquences du mercure sur la vie de l'homme et l'environnement. Lydie Gahimbali, c'est par ici que s'achève cette édition. Merci pour votre oreille attentive et fidèle. Gardez l'écoute. À la présentation, vous étiez avec Doré Bingabide, Alphonse Koubguiman assuré la mise en onde. Bonne soirée à toutes et à tous.